Et tu verras beaucoup d'entre eux se précipiter vers le péché et l'iniquité, et manger des gains illicites. Commets donc mauvais ce qu'ils œuvrent.